je le mange le, moi je mange le, parce qu'il m'aime le premier, mon Dieu est à qui mon salut sur le bois des calvaires, gaïna lingue nali, gaïna lingue yeson, po alinga kinga liboson. A solo, a solo, a tombe bo mo inanga, le colonna e culo, una lingi e nale, gi e gai na lingi e so pa ale, Dieu tout-puissant, notre Père céleste, nous venons auprès de ton trône de grâce et de miséricorde maintenant. Nous avançons dans l'humilité et au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour trouver grâce auprès du Seigneur et d'être secouru dans tous nos besoins. Tu es Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit véritablement à tous nos besoins. Tu es Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit toute maladie, toute non-maladie, toi Seigneur qui guérit, qui nous apporte la guérison. Tu es notre paix, Jéhovah Shalom. C'est par toi que la paix a un sens. Et la paix que le monde ne peut donner ni confisquer. La paix ineffable du cœur que le Seigneur seul peut donner à ses rachetés, à ses enfants. Donne-nous de cette paix pour que nous puissions trouver solution à tous nos problèmes. Parce que tu nous as appris dans les Saintes Écritures que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Nous comptons sur cela plus que sur notre cerveau. Nos cerveaux sont périssables, sont limités, mais toi Dieu tu es l'immuable, l'immortel. Maintenant Seigneur, bénis nous de ce soir, agrée les chants de louange, puisque entre nos Seigneurs les prières et les supplications supplémentaires qui ont été faites en accord avec les moments de prédication. Seigneur, que le prédicateur, lorsqu'il monte à la chaise, devant l'assemblée en prière, que le ciel nous parle, que chacun reparte avec quelque chose. Nous avons confiance que toi qui as fait les promesses, tu vis dans ta parole. Là où deux ou trois sont assemblés entre nous, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, puisses-tu manifester ta puissance et que nos cœurs soient consolés et édifiés. Vois le prédicateur du jour et l'auditeur, pour l'auditoire aussi, pour que chacun reçoive quelque chose. Pardonne nos péchés. Amen. Toutes les indignités. Nettoie-nous des immondices. Des choses insensées de la terre. Sépare-nous totalement, Seigneur, pour que nous soyons les images de Christ, reflétant ta gloire et les vertus de celui qui nous a rachetés. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous te prions de guérir chaque maladie. Et que l'honneur revienne à toi pour l'éternité. Pour le temps de l'agneau immolé. Nous offrons cette supplication. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons à présent écouter la prédication de l'évangile de Dieu. par le canal d'un notre pasteur en visite ici. C'est le révérend pasteur Gauthier Vobobianga du tabernacle de Matadi. Ok, nous lui souhaitons la bienvenue ici. Et la bienvenue à la chair. Tout en souhaitant à chacun de vous de meilleures conditions d'écoute. Bon jubilé dans le spirituel. Alors, veuillez faire venir le pasteur. Nous allons écouter la prédication de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je commence par remercier le pasteur David pour sa gentillesse. On a été mané malamo. Et de la confiance qu'il a envers moi. Et tingiawa kila kangai. Il m'a rappelé une promesse que je vous avais faite ici. Quand il y a la kauna salaki vino awa. Du haut de cette chair. Le colonna est le oyo. Je vais me donner un mois, je me rappelle. Salaki sans amoko. Je vais me donner le mois que non, vers le mois de février, je pourrais venir. Le paki était na sans ami balé na koki koya kuna. Malheureusement. Mes paroles n'ont pas pu s'accomplir. Alors quand il m'a rappelé cette promesse là. Donc à partir de la kauna. Je lui ai dit bon, en tout cas que Dieu m'aide. Et cette année ne se termine pas. Je viendrai vous visiter quand même. Et vous saluer avec la parole de Dieu. Une salutation. Mais une salutation particulière. Ok, je crois que vous m'aimez. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Dis-moi, je vous aime. Même si j'ai fait beaucoup de temps, je ne passerai pas, en fait, parce que je crois que la dernière fois j'étais ici en 2018, hein. Attends, c'est 2018. Toute l'année 2019, je n'étais pas ici. 2020, c'était le confinement, Covid. Et maintenant, 2021, c'est terminé déjà aussi. Donc, presque 3 ans. Voilà, c'est beaucoup. Oh, non, c'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup, ça. Mais je vais me racheter. Oui, je vais me rester. Ok, nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole. Je suis dans le livre de l'Apocalypse. Je lis le chapitre 1er, du verset 1 au verset 3. Donc c'est l'introduction du livre de l'Apocalypse. Je lis le livre de l'Apocalypse. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Amen. Car le temps est proche. Amen. Oyo na Yesu Kristo apesaki Nzambe ye mpona kotalisa baombo na ye makambo makobima noki atindi mwanje na ye mpona kuyebisa Yohane mombo na ye yango. Ye Yohane akatoli mpona makambo yonso mamonaki ye mpona liloba na Nzambe mpe litatoli na Yesu Kristo. Esengo na motangi mpe bayoki na maloba na kosakola oyo mpe ba oyo batosi makambo masili kokoma makati na yango mpo ete elaka ezali pene pene. Amen, amen. Car le temps est proche. Laka ezali pene pene. Voilà, sans interprétation. Nzambe tata, tu es un matin de l'issue. Tu es un matin de l'issue. Tu es un matin de l'issue. Tu es un matin de l'issue. Tu es un matin de l'issue. Tu es un matin de l'issue. Tu es un matin de Liloba etangami. Na senye na kombo na kolo Yesu Kristo yomoko oya okamatangai lokola esale lopamba na loboko na yo. Ekufungolanga bibebu na sakola bobe liloba na yo. Kombola biso basa na mosanda na molimo. Banga na motei, molimboli pe moyo kinyoso. Atine temwano mobali mwasi atiki makamo mususu aye na nsiko boyenkolo. Esika ese bonzami. Kame nge l'adoration temporaire. Azwa quelque chose na pokwa oyo eko benda ye. Tutu pene na yon zambe. Oeko stimule katena kondima. Lokumo kembo masanjoli ezali ya yo. Lelo pe libera libela. Na kombo na nkolo. Pe mobitisi Yesu Kristo. Kibonde liboye. Ok, pouvez-vous asseoir bien mes frères et sœurs. Ok, donc ça pour moi, c'est une salutation que je viens vous donner. Oui. Dieu aidant, après les fêtes de fin d'année, vers le mois de février, je pense, ou début mars, je pourrais encore venir ici pour la prédication. Quand quelqu'un se déplace pour une mission évangélique, il est de la volonté parfaite de Dieu. Azali na mokano oyo ebongi pe ya Nzambe. J'ai quitté ma stade. Je suis arrivé hier soir ici à Kinshasa. Je suis pas venu pour faire du commerce. Pour acheter des pantalons comme c'est la fin de l'année pour aller vendre ma salle. Ou des sacs de riz pour aller revendre ma salle. Je suis venu uniquement pour visiter mes frères et sœurs, les tabernacles des chrétiens, et partager quelque chose avec eux pendant 2 semaines. Ma, J'ai passé faire trois semaines. Mais les administrateurs de mon église m'ont dit non, pasteur, vous voyez, dans la semaine du 20 au 25, nous avons un programme particulier qu'on doit préparer même avant. Je dis bon, ça va. Vous allez nous faire trois semaines. Donc si pour moi, je ferai seulement 2 semaines. Na, kosala, vous voyez, les ça fait du bien. Parce que je viens réduire ma dette que j'avais à votre égard. Je crois que ça vous réjouit quand même, non? Quand je viens réduire ma dette. Parce que si on accumule, il faut commencer à réduire aussi la dette. Voilà, c'est pourquoi je suis venu cette fois-là. Alors, je vais le lire dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre particulier. Nous allons nous entretenir un peu sur ça. J'intitule mon sermon l'importance de la révélation. Motuya. L'importance de la révélation. Pour que vous et moi, tous ensemble, et moi le prédicateur, et mon frère qui m'interprète, mon frère qui écoute, ma sœur qui écoute, que tous, par la grâce de Dieu, nous arrivions à comprendre quand même un principe. Combien la révélation est importante dans notre vie en tant que croyant. Dans la vie du croyant, la révélation est d'une importance capitale. La Bible dit dans Proverbe, je commence d'abord par Proverbe 29, dans Proverbe 29, verset 18, c'est un passage que nous connaissons bien. Il est dit ceci, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mmh. Heureux s'il observe la loi. Mmh. Et pas les zangi, il y a wana bato bako beba. Nde ye oyo akobate la mobeko akojala na esengo. Bangala ngope bako limola na ndenge na bango. Quand il n'y a pas de révélation. relation ne peut plus être sans Libota et Zangi. Révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Libota et Zangi, comment fait qu'il fait. Vous verrez des gens qui parlent n'importe comment. Ils disent n'importe quoi. Ils n'ont même pas du respect. Ni pour la parole de Dieu, ni pour les serviteurs de Dieu, ni pour les enfants de Dieu. Pourquoi cela? C'est un manque de révélation. Les gens agissent n'importe comment. À tel point que, dans le milieu du message aujourd'hui, nous enregistrons des scandales. Des scandales impossibles. Pour lesquels on ne peut même pas donner des détails. Des choses qu'on devait peut-être entendre parmi les pentecôtistes, mais pas parmi les croyants du message. Ceux qui sont du groupe de l'épouse. Mais on entend des scandales impossibles. Bon. Le Seigneur a dit qu'il est impossible que nous puissions empêcher les scandales. Les scandales viendront toujours. Mais au moins malheur à celui qui cause les scandales. Donc quand il n'y a pas de révélation, vous voyez, les gens se comportent n'importe comment. Ils parlent n'importe comment. Ils disent n'importe quoi. Mais David dit ceci. David a le Bible. Dans le psaume, Mandembo, psaume 119. Mokama, le psaume le plus long, c'est le psaume 119. C'est tout le psaume. Hein. Le psaume le plus long, c'est le psaume 119. Le verset 130. Vous voyez d'abord, verset 130. Donc, c'est le psaume le plus long de tous les psaumes. Psaume 119. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Aux humbles. Quand il n'y a pas de révélation, pas de frein. Donc c'est comme des gens qui marchent dans les ténèbres. Mais quand il y a la révélation, le peuple est vraiment éclairé. Les gens se comportent comme ils se doivent. Et ils ont de l'intelligence. L'intelligence spirituelle. Pour comprendre les choses de Dieu. Parler comme ils se doivent. Respecter les serviteurs de Dieu. Respecter les enfants de Dieu. Et se comporter d'une manière en forme. Digne de ce message. Donc, il s'agit de la révélation. Alors, le livre de l'Apocalypse. Le mot Apocalypse. En grec. Apocalypse signifie. Dévoilement. C'est quelque chose qui était couvert, qui était voilé, mais on enlève le voile, on dévoile la chose, quelque chose qui était caché, mais on enlève ce qui couvrait la chose, et puis la chose. Voilà pourquoi en anglais, Apocalypse, on dit par révélation, donc le mot Apocalypse. Donc, vous voyez, ici dans la Bible, on a écrit Apocalypse des gens. Mais vous verrez, dans la Bible anglaise, la Bible à côté anglais, Revelation of John. Revelation. Même dans la Bible de nos amis, les témoins de Jéhovah. La traduction du monde nouveau. Donc, eux aussi, ils ont écrit la révélation des gens. Mais ce n'est pas la révélation des gens. Ce livre, l'Apocalypse, n'est pas la révélation de Jean. Non. Le verset premier. Le début. Il a dit ceci. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la révélation de Jean. Jean n'était que l'écrivain. Mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce soir. Je vous salue, j'introduis. En lisant seulement ce mot ici, révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Quand on parle de révélation de Jésus-Christ, il y a deux sens. Le premier sens, révélation de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est le révélateur. Jésus-Christ yazali moto azali ko bomonisa makambo. Donc c'est lui qui donne la révélation. Ezali yenda azali ko pesa moniseli. On dit révélation de Jésus-Christ. Et moniseli ya Jésus-Christ. Donc c'est lui qui donne la révélation. Ezali yenda azali ko pesa moniseli. Il est le révélateur. Azali moto azali ko pesa moniseli. Mais dans ce livre ici, oyo, il n'y a pas que ce sens-là. Il y a aussi le deuxième sens. Quand on dit révélation de Jésus-Christ, ça signifie que c'est Jésus-Christ qui est révélé. C'est Jésus-Christ qui est révélé. Révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est révélé. Jésus-Christ qui est révélé. Vous voyez, les deux sens ici sont inclus dans ce livre de l'Apocalypse. Donc, dans ce livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est en même temps le révélateur et le révélé. Ceci est d'une importance capitale pour vous et moi, pour que nous saisissions le contenu du livre. Parce que si tel n'est pas le cas, le contenu de ce livre vous passera par-dessus la tête. Ça vous passera par-dessus la tête. Parce que d'abord, ce livre est destiné à une catégorie bien déterminée de personnes. L'Apocalypse est destiné à une catégorie spéciale de gens. Il n'y a que ces gens-là qui comprendront le contenu de ce livre. C'est un livre prophétique. Yalisakoli, destiné à être compris par un peuple prophétique. Donc, si vous n'êtes pas de ce groupe-là, le contenu de ce livre vous passera par-dessus la tête. Vous direz, c'est quoi encore, pasteur Gauthier? Révélation de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui donne la révélation. Jésus-Christ, c'est lui qui donne la révélation. Il est le révélateur. Mais en même temps, il est aussi le révélé. En d'autres termes, il donne la révélation de lui-même. Dans ce livre, l'Apocalypse. C'est un livre particulier. Satan hait la parole de Dieu. Satan hait la parole de Dieu. Satan n'aime pas la parole de Dieu. Nous nous aimons la parole. Mais Satan n'aime pas la parole. Satan hait la parole de Dieu. Tout le livre de la Bible ici. Depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Mais de tous les livres de la Bible, il y a deux livres que Satan hait le plus. De tous les livres de la Bible, il y a deux livres que Satan hait particulièrement. C'est quel livre, quel livre? D'abord la Genèse. Genèse, et ensuite Apocalypse. Ouais, ces livres sont placés. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi cela a été disposé comme ça. Satan hait le livre de la Genèse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est là où il est révélé comment il avait introduit sa semence sur la terre. Satan. Satana. Il a introduit sa semence sur la terre. La semence du serpent. Mboto na nyoka. Quand Frobana avait prêché sur ça, le monde ecclésiastique était bouleversé. Semence du serpent. Mboto na nyoka. Oui. Comment? Le péché originel, donc c'était une relation sexuelle. C'était plus où dans la Bible? Et comment il y a la Bible? Lisez la Genèse. Botanga, Mokana, la Genèse. Vous verrez que ça se trouve la Bible. Okumona, ezali kuna na kati. Mais il faut la révélation. Et sengi, moliteli. Sans révélation, Botanga, vous ne verrez pas cette vérité-là dans la Bible. Okumona, solo, vous lirez votre Bible. Okutanga, Biblia, na vous lirez de la Genèse, mais vous ne verrez pas Mokana, ça. Genèse, kati, okumona, il faut la révélation. Et sengi, le moliteli. Pour que vous voyez ça dans la Bible. Ona, ete, bine, okumona, yango, kati, na Biblia. Satan hait ce livre. Satana, inaka, mokanda, wana. C'est là où il est révélé comment il avait introduit sa semence. La semence du serpent. Ah oui. Yo. Parmi les hommes. Kati na bato. Ouais, la Bible parle des fils de Dieu. Il est allé couler la tine à Bana na Zambé. Et les filles de Dieu. Et Bana ba si tu m'bali en Zambé. Mais dans Genèse. Kati na Genèse kuna. Il est parlé des filles des hommes. Les filles des hommes ce sont les filles qui étaient de la descendance de Caïn. Moi maintenant je dirais ceci. Fils de Dieu. Les filles de Dieu. De l'autre côté. Fils du serpent. Les filles du serpent. C'est dur à dire, hein? Ils allaient pas si koloba. Mais c'est la vérité. Parce qu'ils allaient solo. C'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Ils allaient ma casse si koloba yango. Allez-y, chers frères et sœurs. Bah, ne koubas si m'bali valingami. Je vous parle pour vous saluer. N'allez koloba yango, bel et pour la confesse à nous. J'attire votre attention. N'allez koloba yango, bel et pour la confesse à nous. Soyons ensemble, nous parlons. Tous à la longo. Nous parlons de la parole de notre père. Le koloba, le koloba, le koloba, le tatan abisso. Dans le sermon mariage et divorce. Nalitea, obala pe ko malibala. Proverbe dit. Le grand lobby. Si Dieu vous révèle. Ce qui nous a amené c'est lui non. Donc, yo, donc si on parle individu, hein, donc. Ce qui nous a amené c'est lui, moto moko. Si Dieu vous révèle. Ce qui nous a amené c'est lui. Que celui-ci est votre épouse. Oh, yo, azali moi sinon elle va là. Et que vous l'épousiez. Et yo, si le kobala yé. Elle restera votre épouse toute votre vie durant. À côté qu'à la moitié nao, bon moi nao bimba. Révélation. Voilà mon essai. Si Dieu vous révèle. Ce qui nous a embassé le coup, ça n'est pas trop comme on est. Que celle-ci est votre épouse. Oh yo, à la moitié nao, yalibala. Même pour se marier. À ta pour la kobala. Il faut la révélation. Essayez, mon essai. Ce n'est pas que, oh non. Les alités, vous verrez. C'est pas cette fille-là. Ok, ok. Là, comme on a mon amour, c'est bon côté. Révélation. Essayez, mon essai. Un fils de Dieu, né de nouveau, qui sera aussi épousé une fille de Dieu, né de nouveau. Mais la nouvelle naissance, elle-même aussi est une révélation. Dans le sermon, Christ est le mystère de Dieu révélé. La nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle à vous personnellement. Donc la nouvelle naissance est une révélation. Sans révélation, pas de nouvelle naissance. Et le baptême du Saint-Esprit rend la nouvelle naissance complète. Allez, allons-y. Qu'arrivera-t-il quand un fils de Dieu prend en mariage une fille du serpent? Et qu'on comme à l'olenge ni soki, moi na mobali dans Zambe, à keko bala, moi na mwasi anyoka. Nous sommes là, nous sommes croyants de la parole. Nous allons vendre via l'iloba. Qu'arrivera-t-il? Et qu'on comme à l'olenge ni soki, moi na mobali dans Zambe, prend en mariage une fille du serpent. À keko zona libala, moi na mwasi anyoka. Ou une fille de Dieu? Moi na mwasi dans Zambe. Qui accepte d'être prise en mariage par un fils du serpent? Andi mia zoma na libala, et fa ina moi na mobali ou anyoka. Qu'allait-il? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel mariage? Vous voyez, chers frères et sœurs, ne soyons pas superficiels quant à la parole. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. C'est l'âge de la profondeur de la parole. L'Esprit de Dieu nous a révélé les profondeurs de Dieu pour que chaque fils et fille de Dieu puisse marcher vraiment comme il se doit. Nous vivons donc à une époque la plus dangereuse. Aucun apôtre, aucun prophète n'a vécu en un temps comme celui dans lequel nous vivons. Monsieur Esler, au début du sermon, aucun apôtre, aucun prophète n'a vécu un temps comme celui dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que c'est la fin. Alors, nous devons être sur nos gardes. Que peut-on attendre d'un tel mariage? Chaque petit est la conclusion. Maintenant, si on voit un mariage où on a un fils du serpent qui épouse une fille du serpent, ils peuvent avoir des échappourés. Ils s'entendront quand même. Parce qu'ils sont de la même nature. Même nature. Ah. Ils s'entendent quand même. Ils s'entendent quand même, non? Parce que c'est un bon mariage. Attention à toi. Mais ce qui nous concerne, nous, fils de Dieu et fils de Dieu, dans le mariage, fils de Dieu prenant en mariage une fille de Dieu. Nous avons le choix d'une épouse, non? Pourquoi le prophète dit que vous devez prier consciencieusement jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Vous devez attendre jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Donc nous avons tous les conseils de Dieu. Les étapes du mariage. Étape à Libala. Les noces de l'agneau. Les sermons de Frobanam. Les noces de l'agneau. C'est là où il parle de l'union invisible de l'épouse. Parle de la valeur du vœu de mariage. Tout le conseil de Dieu nous est donné. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Sémence du serpent. Quant à notre origine, Italie, les hommes sur la terre, il y a trois races. Quant à notre origine, trois races. Les descendants des trois fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Sem, Cam et Japheth. Les Sémites, les Camites, et les Japhites. Et bah ou t'es pas Japheth. Il faut bonhomme nous dit. Le gouvernement le dit. Il s'agit là des Juifs. Et t'as les gouvernants bah Juda. Les Samaritains. Bah tu n'as Samaria. Et les autres. Et bah tu n'as ma bota. Trois races. Le lingue mis ça tu as bato. Dans le monde. Ah voilà Mokili. Par rapport à notre origine. T'as les là et pas Yoab et puis c'est tout outil. Donc nous sommes les descendants de ces trois fils de Noé. Tous allés bah quitter bah la mis ça tu as Noé. Voyez le Seigneur Jésus. Au Monicolo Jésus. À sa première venue. La bouyenne à Liboso. Le signe du Messie. Il l'avait donné seulement aux Juifs et aux Samaritains. Mais pas aux gentils. Pourquoi? Parce que les gentils, les païens, donc nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Mais les Juifs et les Samaritains enseignés sur la parole. Voilà pourquoi, à la première venue du Seigneur Jésus, le signe du Messie, il l'a donné seulement aux Juifs et aux Samaritains. Il fallait que nous, les gentils, nous soyons d'abord enseignés sur la parole. Il fallait donc que les sept âges de l'Église, c'est la dispensation des gentils. Depuis Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Et l'Odyssée marque la fin de la dispensation des gentils. Voilà pourquoi nous croyons que c'est l'enlèvement qui marque la fin de l'âge de l'église de l'Odyssée. Et comme nous sommes dans le dernier âge de l'église, alors maintenant, ce même signe qui était donné aux juifs et aux samaritains devait nous être donné aussi. Mais là, c'était Jésus dans son corps physique. Mais aujourd'hui, on n'a pas Jésus dans son corps physique. C'est sur la terre. Son corps physique sur le trône, mais c'est son esprit qui agit. Mais pour qu'il donne ce signe-là du Messie, il devait emprunter un corps humain. Il est emprunté. Oui. Lisez le véritable sceau de Pâques. Le véritable sceau de Pâques. Si le Seigneur Jésus-Christ voudrait emprunter mon corps pour prouver qu'il est le même, éternellement. Et je suis si heureux de pouvoir le lui prêter pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Et Frère Branham a vécu ça. Que Dieu nous aide. Dans cette génération, Dieu nous a vraiment visités. Mais qui sont ceux-là qui ont reconnu la présence de Dieu? Frère Branham prêche. La présence de Dieu non reconnue. Donc trois races. Le Juif. Ayuda, Samaritain, Basamalia, les gentils. Dans toutes ces trois na batumi satuana, deux semences. Deux semences. Parmi les juifs, Samaritain, Samaritains, nous avons ces deux semences. Vous direz quoi? Deux semences. Parmi les juifs, Jésus parle aux pharisiens. Il parle bien aux pharisiens, le bilibango. Vous avez pour père le diable. Vous allez pour natata zabolo. Donc votre père c'est le diable. Tata na mazaliza bolo. En d'autres termes, vous êtes le fils du diable. Vous allez bana ya satana za bolo. Je dis que mon frère ici est mon père. Ce qui na lobieti ndeko na balwa zali tata na ngai. En d'autres termes, je suis son fils. Ngai na zali mwana na ye. Jésus dit, yes, vous avez pour père le diable. Vous allez pour la tata Zabolo. Et bien il a été meurtrier dès le commencement. Chers frères et sœurs, dans toutes ces trois racines, na batumi satuana, deux semences. Il a batumi balé. Quelqu'un ne peut pas être à la fois les deux. Non. Moto ako kozala te na malamoko na mbotumi balé. Ou bien, c'est la semence de Dieu. Mboto ya Nzambe. Ou alors, to semence. Mboto ya nyoka. Deux. Vous voulez m'y parler. Pas les deux à la fois. Vous voulez que vous allez à la fois. Vous voulez que vous allez à la fois. Par rapport à la couleur de la peau. Na kotale la langue ya poso. Nous avons quatre races. Vous allez na bato mine. Le blanc. Vous allez na bato pembe. Le noir. Baindo. Le jaune. Bato ya moussaka. Le rouge. Pi wawa moutane. On suppose le blanc. C'est les Européens. Vous allez comment on a été battu par mes alliés battu dans beaucoup d'Europe à Kuna. Les Noirs, les Africains. Les alliés battu en Afrique, on est battu moins. Les jaunes, les Asiatiques. Battu en Asie à Kuna, battu à Moussaka. Et le rouge, on a les peaux rouges, les Indiens d'Amérique, les peaux rouges. Et battu, Wabeng Wendy, les alliés battu à Poussa Moutane. Et ça soit par rapport à la couleur de la peau. À ta côté, les langues à Poussa et à Bato. Deux semences. Vous allez vous bénir une botte au mi-balé. Deux semences. Donc les deux semences, c'est le tour. Donc, que ça soit par rapport à notre origine, que ça soit par rapport à la couleur de la peau, deux semences. Voilà pourquoi Satan cherche à semer le doute dans les esprits des gens. Pour qu'il ne puisse pas croire cette vérité qui a été révélée dans la Genèse. Mais Frère Branham dit, quand il a prêché sur le serpent, il dit, au jour du jugement. Je vous rencontrerai. Et vous saurez que je vous avais dit la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Elle ne change pas. Elle est telle qu'elle est là. Donc, à vous et à moi. Mais quand l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Et je vous dirai la foi de ce cœur. La mission de Malachi 4. C'était de ramener les gens à la foi originelle de la Pentecôte. Voilà pourquoi la parole a été restaurée. Pour que cette parole produise en nous la même foi là qui était dans nos pères, dans la foi, les apôtres. Mais regardons-nous. Soyons honnêtes, sincères, tels que nous sommes. Que les jeunes garçons, les jeunes garçons qui croient ce message, cherchent un peu à voir, est-ce que les jeunes gens qui croyaient à la parole dans l'église apostolique primitive, ils se comportaient comment? Les papas, qui croyaient à la parole, qui était croyante dans cette église apostolique. Et les mamans qui étaient croyantes de l'évangile dans l'église apostolique primitive. Et quand nous regardons maintenant, nous comprenons. Alors nous verrons où nous en sommes. Donc, comment on a besoin de aller, wapi? Alors, au lieu de parler, il est temps que chacun s'examine. Et d'aller temps, on monte en concentre sur la parole. Amitale, la tama kanesnanyo, sokatina liloba. Parce que, l'enlèvement, ce sera la parole allant vers la parole. Et qu'on a la liloba, qu'on kendaka et pas la liloba. Ou la parole attirant vers elle, la parole. L'époux et parole. Pourquoi nous ne sommes pas ici pour former une dénomination? Nous profitons de notre temps ici pour devenir vraiment la parole. Que Dieu nous assiste. Zambia, l'issouina biso. Mais je sais que la grâce de Dieu est sur vous. Naïbete, n'golo na Zambia, l'issouina na biso. Celui qui vous a appelé, là. Vous avez le gobe ngabino. Il est. Azali Sembo. Amen. Ah? Vrai. Mais. Kasi. Il y a beaucoup d'appelés. Et Zali, na, babi nga mimingi. Kasi va pour un bazali mobile monté. Amen. Beaucoup d'appelés. Bah, tu vas bien, bazali mobile. Kasi va pour un ami. Alors, de quel côté? Vous voyez? Donc, au lieu de regarder, oh là, on a dit ceci. Là, on a dit ceci. Vous et la parole. Yo, nali loba. Où en suis-je, moi, ici? Avec la parole. Nali loba. Ce message. Sango oyo. Cette parole qui nous a été révélée. Par le Père de Dieu. Où en suis-je, moi? Aide-moi, Seigneur. Voilà la prière. Tala libondeli. Que chacun de nous devrait adresser. Révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Je vous parle de tous les livres de la Bible. Depuis la Genèse. Jusqu'à Juda. Le seul livre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a écrit par son apparition à un homme Et sur ce livre-là, il a posé sa signature. Il a posé son sceau. Ce seul livre-là, de tous les livres de la Bible, c'est l'Apocalypse. Le seul livre. Le seul. Livre sur lequel le Seigneur Jésus a posé son sceau. Il a posé sa signature. Donc il a écrit ça lui-même. Par son apparition à son apôtre Jean. Alors est-ce que ce livre-là maintenant mon frère, ma soeur, est-ce que nous pouvons l'aborder n'importe comment? Voilà pourquoi à la fin du livre, au chapitre 22, au chapitre 22 du livre, il est dit ceci, verset 18, je le déclare, je là, je. Pronom personnel. Je. C'est le Seigneur Jésus. Je. Je le déclare à quiconque. Quiconque. Quiconque. Que vous soyez roi. Empereur. Président de la République. Ministre national. Ministre provincial. Directeur de Titi Patati Patata. Importe votre titre. Ata Longona Zalinani. Que le Seigneur a déclaré ici, il le déclare à quiconque. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Les paroles de la prophétie du livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, parole de la prophétie du livre de l'Apocalypse, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Chacun peut lire, non? Les fléaux sont décrits dans le livre. Quand vous lisez au chapitre 8, le jugement des trompes. Quand vous allez au chapitre 16, le jugement des coupes. Le problème, les gens ne lisent pas la parole. La Bible même. Notre Bible nous lit. Bible a dit ça. Alors que s'il y a des gens qui doivent lire cette Bible. Donc, vous allez pas la Bible. C'est vous et moi, non? Et allez bien Frère Branham. Quand Dieu leur donne la révélation de cette chose. Non, il y a Bilé Mosambo. C'est cette chose. Il a déclaré dans le sermon la fête des trompettes. Hein, cette Bible était devenue nouvelle. Pour le prophète Branham. Lui qui avait lu cette Bible des années et des années, mais avec l'ouverture de cette chose, la Bible était devenue nouvelle. Nous avons le livre, non? La révélation de cette chose. Qui sont ceux-là qui prennent leur temps pour lire, prier Dieu? Qui sont ceux-là? Moi je ne sais pas lire, ok. Si vous ne savez pas lire, venez à l'église. Dieu a établi des ministères. Et bien les prédicateurs vont prêcher. Vous allez entendre. Mais c'est lui qui sait lire. Vous savez lire, mais vous ne lisez pas. Faites attention que vous puissiez être sans excuse. Alors ou bien on prendra ce livre là qu'on donne ça à quelqu'un d'autre. Parce que chez vous le livre est devenu poussiéreux même. La couverture du livre, la révélation de cette chose est devenue poussiéreuse. Rarement vous touchez à ça. Peut-être même toute une année. Du 1er janvier au 31 décembre, livre de cette chose. Aucune fois, hey, croyant du message, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Frère Branham m'a dit qu'avec la révélation de cette chose que Dieu lui a donné, la Bible est venue. Allons-y. Pour donner la révélation à Daniel. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui a envoyé un ange. Un ange. Mange mon corps. Pour donner la révélation à l'apôtre Jean. On a copié sa montre, c'est l'antoma, Yohannes. De Patmos. On a essayé de patama. Lui qui a écrit ses livres. Et allié à celui qui commande Mukanda. Dieu lui a envoyé un ange. Zamba, c'est de là qui est mangé. Un ange. Mange mon corps. Mais pour donner la révélation de cette chose. Parce qu'on a copié sa montre, c'est l'antoma. À William Aaron Branham. Na William Aaron Branham. Dieu lui a envoyé sept anges sauvés du ciel. Zamba, c'est de là qui est. Sept. Mange Sambo, Bauta qui n'a l'eau là. Ah, chers frères et sœurs. Bandeko, balinga, je sais pas si nous comprenons la valeur de cet événement au ciel. Évitez, vous allez comprendre ça. Dieu a envoyé sept anges, sept. Ils sont venus du ciel. Pour rencontrer un homme sur la terre. Pour rencontrer un homme sur la terre. Et de donner la commission lui permettant de prêcher sur le ciel. Et chaque ange était porteur du message, mais du mystère d'un sceau. Moi, j'ai mon corps à mon cas là qui m'a mis à l'ibomba mia. Donc, seul ange ne pouvait pas apporter toute cette révélation. Moi, j'ai mon corps. Chers frères et sœurs, pensez-vous que cet événement est un petit événement au ciel? Mais est-ce que cette Bible est devenue nouvelle pour vous? Mon frère, est-ce que cette Bible est devenue nouvelle pour vous, ma soeur? Parce que pour le prophète, avec l'ouverture de cette chose, elle est devenue nouvelle. La Bible. Biblia. À tel point quand il prenait sa Bible, non. Quand il lisait sa Bible, il était dedans. Azalaki penza amikoti fina kati. C'était une nouvelle. Mukanda sika. Qu'en est-il de vous et moi? Boni pona bimi nangai. Parce que nous sommes croyants du message prêché par William. Azali bandimi ya musango ici côté ya mananzela de Kobanam. Si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de la prophétie du livre de l'Apocalypse, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Tout cela signifie qu'il passera par la tribulation. Si quelqu'un passe par la tribulation, ça signifie qu'il n'a pas été enlevé. Parce que la tribulation vient après l'enlèvement. Et si vous êtes frappé par la tribulation, donc ça signifie que vous n'avez pas été enlevé. Ah oui. Donc tous les va-et-vient que vous faisiez à l'assemblée, ils vont tout. Donc zéro. À quoi alors ça aura servi? Vivre dans le monde et puis s'en aller aussi à la perdition. Manquer la terre ici. On a renoncé à beaucoup d'avantages de la terre ici. Nous avons renoncé à cause de la parole. Et puis je manque les avantages de la terre et je manque encore là-bas. Alors c'est quoi ça? C'est quoi ça? Chers frères et sœurs, soyons sur nos gardes. Donc, celui qui essaie d'ajouter quelque chose. C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas quelque chose de l'Apocalypse, ne dites pas n'importe quoi. Mais si vous comprenez, c'est ça la révélation, alors dites ça. Mais si vous êtes pas sûr, laissez. Par prudence. Na kubukebi. Laissez. Na kuzana angeli. Tika bobele. Et si quelqu'un retranche quelque chose. Soki motasili kolongola eloko moko. Des paroles du livre de cette prophétie. Na maloka oyo ya lisakoli ya buku oyo. Ok, lisakoli oyo. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Landa kolongola. Aïe aïe. Soko motonani akolongola eloko songolo na maloba ya buku ya lisakoli oyo, nzambe akolongola eteni na ye na nzete na bomoi pe na engumba na bule wesalisami kati na buku. Amen. La ville est décrite dans le livre. Lisez la description de la ville. Botanga lolenge batali si ngombawana. Nouvelle Jérusalem. Jérusalem asika. Ah papa, je ne sais pas si votre cœur est là dedans et que vous lisez. Mais vous êtes Botanga ka solo. L'arbre de la vie est dans la ville. Jete abo mwezali kati na ngomba. Pour avoir part à l'arbre de la vie. Pour avoir accès à la ville. Et sengeli liboso kota kati na ngomba. Mais si vous n'avez pas accès à la ville. Donc quoi que kota na ngomba te? Donc vous n'avez pas aussi accès à l'arbre de vie. Wana ukokuta na pena jete. Si quelqu'un retranche quelque chose, parole du livre de cette prophétie, il va Dieu retranchera sa part. L'arbre de vie et de la ville sainte. Décrit. Oui, ça les amicats, cela signifie que il n'entrera pas dans la nouvelle Jérusalem. Vous savez que la nouvelle Jérusalem, ça c'est la cité de l'épouse. Jérusalem, c'est la cité de l'épouse. Si vous retranchez quelque chose aux paroles de la prophétie du livre de l'Apocalypse, Dieu retranchera votre part de l'arbre de vie et de la ville sainte. C'est que vous n'y entrerez pas. Et ce n'est pas plus loin. En d'autres termes, votre nom sera effacé du livre de vie. Votre nom sera effacé. Ça, c'est une grande leçon encore. Il y a mon nene. Prenez l'exposé de cet âge, le livre. L'exposé, le livre exposé de cet âge. Buku, wana. Dans l'étude de l'âge de Sardes. Kutanga, la promesse qui était faite au vainqueur de l'âge de Sardes. Et la carte est celle-là qui pourra balonger à celui qui vaincra. Oh, mutunani wa kolonga sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Akulata mane lamba wa pembe. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Na kolongo la kombona eli suzute na mokanda ya bomu na buku ya bomu. Et je confesserai son nom devant mon père et devant mes anges. Quelle faveur! Wana, quelle faveur! Le Seigneur Jésus, confessant votre nom devant mon père et devant mes anges. Je ne sais pas si quand nous lisons vraiment, le problème c'est ça aussi. Vous voyez pourquoi tout le monde disait que ne lisez pas votre Bible comme un journal. Ne lisez pas la Bible comme un journal. C'est la parole infaillible de Dieu. C'est Dieu sous forme de Christ. Vous voyez ça. Mais quand vous lisez seulement, superficiellement, voilà pourquoi nous sommes dans la condition dans laquelle nous sommes. Vous allez vous pouvez lire la description qui est faite de la Bible sur la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez lire la description. Vous pouvez même avoir un songe. Aujourd'hui, un songe de la Nouvelle Jérusalem. Jusque-là, nous n'en comprenons qu'une partie infinitésimale. Rien d'ailleurs, donc zéro. Les mathématiciens disent que quand on divise un nombre sur l'infini, ça donne zéro. Même si nous lisons la description que la Bible donne, nous croyons par la foi. Mais jusque-là, nous ne réalisons pas encore ce que c'est. Jusqu'à ce que les membres de l'épouse entreront dans la cité, dans les rues pavées d'or. Au lieu de se réjouir, les larmes coulaient, quand la joie déborde, au lieu de rire, ce sont les larmes. Moi, il a mis son. Pissoli, mon ami. Pissoli, il y a Esengo. Il y a Mawate. Il y a Esengo. Quand l'épouse regardera. C'est moi qui n'allais pas la côte là. Les rues. Banzela. Pavé en or. Les rues de la ville sont pavées en or. Ah, ouais, Banzela, Banzela, ou salam naolo. Alors, les palais. Même aujourd'hui, nous avons des architectes qui font l'architecture intérieure. Oui, vous allez voir comment décorer une maison à l'intérieur. Architecture intérieure. Quand vous voyez un païen. Mon pagano. Un païen. Occultiste de sur quoi? Moutra Soloka. Architecte. Kasi, azali mouta tongaka. Asale lo, eloko lo lenge ete. Et on construit la maison. Eko tongandako. Vous regardez, vous dites, Otali po lobi. Est-ce que ça les gens ont construit vraiment? Oui, bah, toi, siri ko tonga penza. Une fois, j'ai regardé un documentaire sur la ville de, cette ville ici encore. Voilà, moi, on en est kota la. La ville la plus propre du monde ici. Hein? Donc c'était pas Dubaï à l'époque. C'est un petit état ici, un pays là qui est donc juste comme une ville là vraiment. Donc vous regardez, quelle architecture, je dis mais ça. Le Léguéni n'y va tonga qui. Est-ce que ça les gens ont construit avec du mortier, tout ça, du ciment, des barres de fer, oh, ça. Oh, Batongi, vous voyez le Léguéni va tonga ka. Dis oui, mais on a construit ça comme vous. Batongi, vous voyez le Léguéni va tonga. L'intelligence de l'homme. Wana maele la moto. L'homme. Moto. Dans son état de déchéance. Dans le Léguéni, pourquoi il s'en va. Mais voilà ce qu'il fait. Tala, eloko ni nazaliko sala. Voilà ce qu'il fait. Et alors, quand sera-t-il quand l'homme sera restauré? Boni boni tango mota komizom gisa. Quand l'homme sera restauré. Tango mota komizom. De quoi sera-t-il capable? Akozala makokinini. Et vous et moi? Bino nangai. Nous avons la parole de restauration. Na lilobao ezaliko zongisa. La parole de restauration. Lilobao ezaliko zongisa. Pour que l'église du Seigneur Jésus. Pour que l'église en apprenne de la fin. Soit comme elle était là au commencement. Ezala loko ezalaki na ibande kuna na kitela. Et l'air nous mena à la fin avec une double portion. Kiswa na suka na iteni mibale. Et le troisième poule est devant nous comme ça. Pe kobe na mamisa tsa ibo. Le troisième poulet devant nous. Comment nous approchons de ça? Comment nous approchons du troisième poulet? Et c'est ce qu'il faut dire. Mes chers frères et sœurs, cette manifestation, cette puissance qui va se manifester dans le monde. Mais qui sont cela? Et là, banani. C'est en qui ça va se manifester? Écoutez, ça m'a dit, banani. Et c'est vous et moi, non? Les alibino nangai. Mais comme ça. Ah, le lingue, oui. Ah, non. Bongote. Non. Bongote. Pas comme ça. Bongote. Il faut que quelque chose change. Le seigneur, c'est le kamomoko et bon, voilà. Quelque chose doit se produire. Le kamomoko, c'est le salema. Ah oui. On peut pas continuer comme ça. Donc, comment vous allez vous étirer? C'est comme si, nous, les pentecôtistes, il n'y a pas de différence. Et là, le lingue, dis-toi, va te la quitter là pour que c'est l'égalité. Ah, non? Il y a une grande différence. La parole que nous avons ici, le message de l'heure, est au-dessus du message de conséquence. Oh! Que Dieu nous assiste. Alors, Fobanam dit, quand l'épouse regardera, si vous avez beaucoup d'argent, ce que vous allez à Missolomingi, milliardaire, vous allez monter à Missolomingi, vous allez monter à Missolomingi, Obengi Moutongi. Vous dites, non. Faites-moi un plan d'une villa qui soit comme ça. Ce que vous voulez là. Une villa qui soit comme ceci. Comme ça. Ok. Et vous avez l'argent. Vous allez milliardaire. Je vais donner l'argent pour qu'on construise. Mais c'est bon, prenez ce que vous vous imaginez là. Et multipliez ça par des millions de fois. C'est ce que Dieu vous réserve de l'autre côté. Non. Je dis, mais oh Seigneur. Bolo. Alors, mais qu'est-ce qui va alors? Que Dieu nous aide. Zambi, certaines choses, certaines promesses de la parole, nous n'y plongeons pas vraiment. À cette fois que ça nous passe encore par-dessus la tête. Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille de l'homme n'a point entendu, et qui ne sont jamais montées. cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées. Il les a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment lui. Et si nous nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés. Tout ce que nous faisons, nous répondons à l'amour qu'il nous a manifesté. L'amour nous a sauvés, non? Que nous chantons, non? L'amour m'a sauvé, l'amour m'a sauvé. Rien n'est plus. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Parce que l'amour que tu m'as manifesté, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, qui pouvait m'aimer tel que toi tu m'as aimé, personne, ni mon père, ni ma mère, ni mon épouse, moi, ni mon mari, toi, mon père, ni mon enfant, ni personne. Motote. Dieu seul. Zambe, mais le Dieu qui vous a sauvé, la Zamba qui vous a aimé, qui vous a sauvé, Abikitio, il a un plan pour vous, non? A pour yo. Et ce plan là ne pourra jamais échouer. Et pourquoi il s'en va comme ça? Se réaliser. Et pour Salema. Ça doit se réaliser. Et pour Salema. Alors que Dieu nous aide. Zambe a son gabiso. Mon cher frère et soeur. Avoir des choses pareilles. Comment pourrons nous être nonchalants comme ça? Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été indifférents. Non, non. Bon côté. Il est temps. Le salut est plus proche de nous. C'est pourquoi réveillons-nous. Réveillons-nous. Donc la salutation que je vous donne ici, bon, t'as l'air complètement bien, wawa. Même pas une secousse. Vous allez le louer, vous allez connaître ça. C'est comme je vous dis. Vous allez prendre la montagne, le colombo. Je te bénisse, mon frère. Zambe a pas besoin de quoi. Mais quand quelqu'un dit, je te bénisse, mon frère. Après trouver les mots, c'est la bilim. Est-ce que c'est une salutation ça? Bon, vous allez monter. Je te bénisse, mon frère. Je te bénisse, mon frère. Je m'en prends pour l'un des choses. Amen. Et la personne que je salue, maintenant, on va aller couper sa beauté. Il s'est réduit, non? On va aller couper ses là. Ou tu veux pas que je l'aime? On va aller couper mon aïe, t'es aligné. Oh, que Dieu nous assiste. J'en ai la bisou. Ok, vous dites amen à la parole? Vous le dites, vous allez vous bon, la loca. Ça, c'est ma salutation. Vous allez vous bêler, vous allez vous production de ce soir. Il allait couper une seringue à quoi, l'élo? On va avancer. Donc, au coba. Vendredi. Beaucoup la moussala est mise. On va avancer dimanche. Mine épée, beaucoup la loupine, beaucoup fait. Allez, allez, allez. Jusqu'à ce que. On va s'arrêter. Alors, ce sera vraiment ma salutation pour le début du mois de décembre. Et en même temps, la fin de l'année 2020. L'introduction a été bonne quand même. Ah, mais si ça commence bien, donc ça finira bien aussi. Ok, bah, malamo, okay aussi, alors, malamo. Je vous bénisse. Ok. Merci beaucoup. Matondi. Ils allaient vous bénir beauté. Une salutation d'un ministre de l'Évangile. Il y a Motei Nasangovalamo. Ne vient pas raconter les coutumes. Aïe Koloba Makambamboka et beaucoup côté. Ni les Sapongé. Oh, Makamalulengewana. Mais le ministre de la parole. Matei Yasangovaloba. Spécialiste de la parole. Bazali Batu Oyo Baibi Loba Malamo. Et ça doit nous faire du bien. Et quand ça va tomber à l'âme, Mingi, quand l'ange Gabriel est venu chez la Vierge Marie, voilà, moi j'ai d'abord la équipe à Ngondo Malia. Il l'a aussi salué. Et après ça qui est beauté. Ce n'était pas comme tous les humains salués. Mais là qui le lingue batonio sont va faire sa cambote. C'est une salutation nouvelle. Et là qui est beauté ou inhabituelle. Oui merci à mon message noté. Luc 1 verset 28. Luca mokapoyambo l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tout ça, c'est la salutation. Oh, voilà, non, c'est d'aller vous bénir, Mbote. À côté qui est pas une AMP, à l'obaki est-il. Mbote, moi, si n'angolou, kolo, ajalina yo, elongo. Savez-vous que, depuis que Marie était née sur cette terre des humains, oui, bien, t'es où t'as mal, y'a beau t'as mal dit, ah, ouais, non, ma belle, personne ne l'avait salué de cette manière. Moto, mon côté, a fait ça qui est Mbote, n'a le lingue. Ni le sacrificateur de son église. Atanganga, oui, avec les anayés. Ni le responsable religieux de sa communauté religieuse. La première fois qu'il entend une telle salutation, c'est la bouche de l'ange messager Gabriel. Il y a un ange, mon ami, sango, avec Gabriel. Parce qu'il était venu justement avec un message de la part de Dieu pour susciter sa foi, pour entretenir sa foi, pour alimenter sa foi. Et cette foi-là a engendré l'enfant Jésus. Regardez encore, elle aussi étant déjà rodée dans la sainte, elle est partie pour saluer aussi à son tour. Regardez comment c'est transmissible. Une salutation inhabituelle. Marie a reçu sa part. Un jour elle s'est levée, elle est allée quelque part dans sa famille. Elle aussi va saluer. Elle n'était pas l'ange Gabriel. Elle était notre sœur. Elle n'était pas une créature céleste. Elle était une créature terrestre. L'ange Gabriel était céleste. Mange Gabriel était terrestre. Marie est allée dans une église familiale. Elisabeth, sa parente. Et alors, au verset 44. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Non, prenons le verset 40 d'abord. Il entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. A kota ki nandako na jekali ape apesa ki Elisabeth mbote. Vous direz, mais ça c'est ordinaire, non? Avoir comme ça, n'est-ce pas que c'est ordinaire? Quelle technique que vous lisez? Mais le sujet c'est l'importance de la révélation. Même ce que vous parlez ordinaire là, il y a quelque chose de spécial dedans. Et quand vous saisissez la révélation, le secret sera dévoilé. Il entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Mais écoutez la réaction d'Elisabeth. Il y a des sujets de salutation. Quels sont les effets? Quel est l'impact de la salutation? Verset 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Zambitala. Wana eyokaki mongongo na mbote na yokati na matoi na ngai mwana na kati na libumu na ngai apumbwe na esengo. Savez-vous que depuis qu'Elisabeth était aussi née sur la terre, Outa, Elisabeth, jusqu'à ce jour-là, Kino, na Mokoloana, elle n'avait jamais entendu une pareille salutation. Atikalaki ko yoka mbote ya lolenge wana te. Peut-être toi aussi. Balamosusu yope lokola. Pour que tu viennes sur la terre. Tu n'as jamais appris que la salutation puisse venir comme ça. Mais c'est la prédication de l'évangile. Même l'enfant là-bas. Jésus par la salutation. Et comme tu es salué, toi tu vas saluer. Et quand tu vas saluer, ramène-nous les témoignages. Mais la vie solitaire. N'est-ce pas que c'est transmissible? Yo ke ndeka okuta na kuse na yo mbote, hein? C'est mbote qui est non? Oulou mbote? Non. Mbote. Toi, tu as reçu une salutation particulière. Qui contient la révélation. Parce que tu es entré dans la présence du Seigneur. Alors on va aussi transmettre la salutation. Bon. Pasteur Jean vient de dire, n'oubliez pas de transmettre les salutations de Pasteur Jean Makwamba, parce qu'il a été chez Chez eux là-bas, Tourterre Tabernacle, hier, il a porté la prédication là-bas. Ah, tiens, qui kuna, le 8 août, ça n'a été qu'on fait ça, Mbamboti, on bat les gens à Kwamba. Vous vous souvenez de pasteur Jean Makwamba? Vous allez comprendre là, on bat les gens à Kwamba. Souvent, son nom se confond avec Jean Kumwamba. Et les deux se sont retrouvés là-bas. Je ne sais pas comment ils se sont appelés l'un l'autre. On a évité le Nengenini, Bakutani, Bangoui. C'est papa Romo, c'est frère Romo, je ne sais pas. Mais au moins, il nous amène les salutations de pasteur Jean Makwamba. Amémé les bisous, Mbote, Amobate, Jean Makwamba. Vous les recevez aussi? Oui, Ambi, Ango. Voilà. Mais il y a une salutation particulière à la chaîne ce soir. Et d'ailleurs, Mbote, à l'Oengen, Ango, Awa, Naitelo. Ça vous a fait du bien. Et salut, Bino, Olamo. Amen. Comme le prédicateur lui-même a illustré. Donc, la Mbote, il y a mon quatalissi. Non, il n'est pas rien. N'a pas si Bino Mbote, il y a l'Osako. Akime, il y a mon Kunzi. Comme quelqu'un qui avait envie de dormir dans deux minutes. Lui-même interpelle. Quelque chose doit changer dans notre vie. Que Dieu bénisse pasteur Gauthier. Vous voyez, ce n'est pas un grand-père vraiment. Comme si vous devez écouter la prédication d'un grand-père. Mais c'est un ministre de l'évangile. Et ça doit faire du bien. Chaque fois que la parole vient, elle produise l'impact. Et résultat. D'année en année, nous avons besoin de ça. C'est nous nous debout pour la prière. J'allais parce qu'il m'aima les premiers, oh mon Dieu, et à qui mon salut sur le bois des calvaires, où je le mange. Moi je mange la main parce qu'il m'est pas le premier, mon Dieu, il a qui mon salut sur le bois des calvaires. Oh, je le mange. Kolinga ye libela mikolo nyoso kisuka na bamoi atombe bamoi na pole kala na eso lengomba elingi ye na ye alingi na ye ye yeso po ali nakinga ali kolinga yo Colonel Mobatele Akomama Solo yes Akomama Mama Mama Mama Okay Akomama Hallelujah Akomama Solo yes Akomama Mama Mama Mama Hallelujah Akomama Hallelujah Akomama Glorious, I come, Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et nous chantons ce que nous croyons. Nous chantons ce que nous savons. Oui, Dieu nous aime. Et nous l'aimons en retour. Lui le révélateur. Si tu ne révèles pas, tu ne connaîtras rien. Ni le Fils, ni le Père. Ce qui moi n'a qu'à s'appeler. Révéler quelque chose. Révéler sa personne. Prions chacun maintenant. Nous devons nous remettre en cause. Tomitala. Nous examinons nous-mêmes. Tomitala, voici nous sommes dans la foi. Voilà, la joie du salut est une réalité. Sans confondre la joie du salut avec un enthousiasme. Non pas juste du folklore dans l'église. L'expérience sainte. La sainte joie dans la présence de Dieu. D'être totalement délivré. Totalement différent des dénominations. Heureux de l'œuvre du Seigneur dans nous. Dieu qui nous distingue. Donne-moi sa promesse. Il distingue nos vies. Il distingue nos familles. Il distingue notre foi. Il distingue notre témoignage. Prions chacun maintenant. Ami de Jésus, oh qu'il soit pour un ignoble comme moi. Comme moi. D'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Ami de Jésus, ami de Jésus, communion de vie. Oh, quel bénédos communion, Jésus est bien mon ami. Ami, quand donc l'amitié cesse, ou même des soirs, ami qui me donne joie et paix, ami quand vient l'ennemi, ami de Jésus, ami de Jésus, mon ami comme mignon de vie. Oh, quel bénédos communion, Jésus est bien mon ami. Un ami dans la maladie, et quand approche la mort, ami, quand je passe la vallée, il m'aide et m'encourage. Ami de Jésus, mon ami comme mignon de vie. Oh, quel bénédos communion, Jésus est mon ami. Ami, quand ma courte s'arrête, ami, quand passe la terre, ami, avoir au sein du ciel, ami, enfin chemin. Ami de Jésus, ami village. Mon âme est comme un éveillé. Oh, quel bel édos comme l'ignon. Jésus a bien mon âme. Ami, ami, ami de Jésus, mon ami, comme l'ayant révélé. Oh, quel bénédos comme l'ayant, Jésus a bien mon âme. Bienveillant Père Céleste, notre ami du calvaire, toi sauveur parfait, incomparable, sublime, merveilleux, rédempteur, tout puissant, invincible, immuable, infaillible, auteur d'un plan parfait, un plan qui ne jouera jamais, le plan de l'élection. Oh Père, Tata, merci pour tout ce que tu as fait dans toutes les générations, et que tu nous révèles au temps de la fin pour donner à tes croyants, à tes rachetés, la meilleure formation et leur garantie la victoire finale, une victoire écrasante, insurmontable, éternelle aussi, pour rentrer avec toi dans l'éternité. Merci pour l'œuvre de Dieu au temps de la parole, la révélation du mystère de la rédemption, les secrets de notre salut. Maintenant, Seigneur, secoue chacun de nous. Réveille-nous du sommeil. Que ceux qui ont de l'amnésie soient délivrés de l'amnésie. Que les puissances des ténèbres soient désemparées. Que le lien de l'incrédulité soit brisé. Que les ténèbres se dissipent, Seigneur. Et que ta lumière jaillisse. Que la luise rayonne au dedans de nous. Que la gloire du Seigneur nous soit restaurée. Comme elle a été dans l'église et des commerçants. Nous avons reçu le message de restauration. Pourquoi c'est faiblard parmi nous? C'est laisser aller dans les bureaux du message. Mais aide chacun de nous, Seigneur, à se ressaisir. Chaque jour et partout. À se ressaisir. Grâce au Saint-Esprit de Dieu. Grâce à la parole vivante du Seigneur. Grâce à son message de vie. Pour demeurer debout, au front, bataillant et convaincant, combattant et persévérant, triomphant par sa grâce, exauce nos prières contre tout mal, contre toute maladie, contre tout péché, contre tout démon, contre tout malheur, toute épreuve, fais triompher notre foi, que notre joie soit parfaite, et que ton nom soit glorifié. Bénis le prédicateur de l'évangile, bénis toute l'église aussi, et la partie finale du culte, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ici pour te voir. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pourquoi qu'on que Dieu soit loué. Pour nous, à combien de temps?